Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. C'est notre dernière émission. Je m'en voudrais de terminer la saison en prenant pas la peine de dire qu'Econophile, c'est une des très rares émissions d'économie qui, en plus, encore plus rare, se permet de parler de politique, de parler de la société, d'environnement, même si c'est une émission qui traite d'économie. Hein. Pourquoi? Peut-être que vous vous êtes dit parfois, ça n'a pas rapport, détrompez-vous. Ceux qui ont compris l'esprit de l'affaire ont compris que, pour moi, l'économie, ça fait partie de la vie, que tout est lié, ou presque, à l'économie, et que l'économie doit être encastrée, pour reprendre l'expression de Polanyi, dans la société. L'économie, c'est des humains, c'est fait par des humains, très humains d'ailleurs, et c'est souvent présenté comme étant trop compliqué. Rappelez-vous le livre de Yannick Marcil, « Les passagers clandestins », le langage qu'on vous sert hein, pour vous faire croire que l'économie, c'est trop compliqué pour vous, que ça vous concerne pas vraiment. Ben nous, on a fait le contraire. On vous a dit que, en fait, de vous emmêler de vos affaires, de vous renseigner, de lire, de fouiller, et de pas croire sur parole quand un gourou de l'économie vous parle. Il veut votre bien et il va l'avoir, en effet. Si vous dormez, c'est ça qui va arriver. On a suffisamment parlé de la croissance des inégalités, de la financiarisation de l'économie. Il y a de belles démonstrations, d'ailleurs, que ce qui se passe au-dessus de nos têtes devrait nous interpeller et nous intéresser. Autrement, ben, c'est ceux qui mènent le bal depuis toujours, qui vont continuer de fêter, tout en nous faisant payer la note, bien sûr. Parce qu'ils sont capables de vous faire croire que, en fait, n'importe quoi, juste pour qu'ils puissent continuer de faire de l'argent sans qu'on réplique. Prenez les armes à feu aux États-Unis. Ah, c'est intéressant. Les supporters fanatiques de la NRA mettent les fusillades sur le dos des jeunes des jeux vidéo violents, okay, de l'avortement et des médias, bien sûr. Hein. Mais pas des guns. Alors, les guns, ça n'a rien à voir. C'est... Mais non, parce qu'il faut continuer d'en vendre. Hein, c'est trop payant. Ça. La mort, c'est un détail. Hein. En fait, la mort, c'est payant à mort. Ce qui fait que depuis 2009, ben, combien il y a eu de fusillades dans les écoles au Mexique? 8. Au Canada, 2. En France, 2. En Russie, 1. En Espagne, en Australie, en Suisse, au Japon, en Argentine, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, mis ensemble, 0. Aux États-Unis, 288. C'est ça, ça doit être l'avortement. Hein, c'est les bébés qui viennent se venger, ils sont guidés par Dieu qui punit les méchants qui ne veulent pas acheter de 4x4. Ça doit être ça. Hein, go back to bed, America. Bienvenue à Econophile. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, le blog, ben on est là, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, Econophile891. Et puis, ben, pour trouver le blog, deux façons, en savoir davantage sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore ben, Econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous trouvez aussi la balado qui donne accès à une ou deux dernières émissions, mais qui donne aussi accès à tout si vous abonnez à la balado. Et puis, de toute façon, vous avez accès à la totalité des émissions des deux saisons d'Econophile dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. David Lemelin, bonjour. Je t'entends pas, Jean-Claude. Ça se peut-tu que... Jean-Claude, t'es là? Oui, je suis là. OK, on va dire que oui. Donc, on vous présente un personnage mystère, en fait, presque mystère, là. C'est qui pendant des années, a été effectivement un personnage mystère qui suit de près. Quand même d'assez nombreux fans des questions économiques. Donc, je ne sais pas si vous lisez le blog J'en ai marre, mais nous, oui, hein, Jean-Claude? Oui, depuis plusieurs années. Puis, comme on dit la semaine passée, J'en ai marre est un blogueur très prolifique. Et d'ailleurs, en fait, son nom, il a un nom, hein, J'en ai marre, c'est Mario Jodoin. Et je l'ai interviewé, c'était un long shot de Jean-Claude qui disait peut-être que ça serait intéressant de lui parler. Et vous l'entendrez, il est aussi fascinant à l'écrit qu'à l'oral. Bien, je dirais que c'est un des bénéfices de l'Econophile, parce que moi, ça faisait plusieurs années, je ne dirais pas que ça me frustrait, là, mais ça m'intriguait. J'avais d'ailleurs communiqué avec lui pour savoir qui il était, mais il était extrêmement discret, probablement parce qu'il était encore à l'emploi d'un employeur à l'époque. Exact. Et alors maintenant, grâce à David, nous allons savoir qui se cache derrière le pseudonyme. Tout à fait. Donc, et son blog, c'est jeanemar.wordpress.com pour ceux qui veulent peut-être aller voir. Et question de la semaine, Jean-Claude, pour terminer. Une question qui nous concerne un peu, enfin, il y a les auditeurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Econophile après combien de dizaines d'émissions? Peut-être une cinquantaine au total? 2 x 33, 66 en tout cas pour moi. Donc, est-ce qu'on peut retenir quelque chose? Est-ce qu'on doit retenir quelque chose d'Econophile? J'espère. Alors, réponse, on va discuter de tout ça dans la dernière portion de l'émission. Alors, dans quelques instants. Allons-y tout de suite pour vous présenter Mario Jodoin, qui en fait, j'ai discuté avec lui, puis il s'est présenté quand même avant que je puisse un peu savoir c'est qui ce gars-là. Bac en économie, il a enseigné au Cégep. C'est un fonctionnaire fédéral, Jean-Claude, pendant 38 ans, donc tu vois, c'est un peu le même esprit. Et tu seras pas surpris d'apprendre que son expertise, c'est l'analyse du marché du travail, particulièrement l'analyse des professions. C'est vraiment, il a beaucoup travaillé là-dessus, c'est l'essentiel de sa carrière, ce qui explique plusieurs de ses billets, et on comprend la facilité qu'il a à nous décortiquer les choses, à donner des statistiques. Il a une opinion sur presque tout, mais jamais d'opinion dans le vide, et jamais sur ce qu'il ne connaît pas. Et avec nous, donc, il s'est amusé à déboulonner quelques mythes sur les jeunes, les permis de conduire, sur les travailleurs autonomes, sur l'analphabétisme au Québec et sur le salaire minimum. Donc, voici, pour commencer, les deux premiers mythes avec Mario Jodoin. Monsieur Jodoin, donc, quatre mythes que vous voulez déboulonner. Le premier, bon, il est intéressant, hein, parce que on parle de la baisse du pourcentage de jeunes qui ont un permis de conduire. On entend, moi je me souviens d'avoir lu d'ailleurs, ça m'avait marqué, la preuve que ça fonctionne, s'explique par la popularité des médias sociaux et des téléphones interactifs. Ouais. C'est pas tout à fait ça, hein? Ben là, ça c'est la version qu'on reçoit à chaque année, que quand il y a le salon de l'auto, il y a une entrevue qui est faite avec eux autres, puis eux autres disent, bon ben les jeunes milléniaux, hein, tu dis le mot millénial, là, puis là, ça pogne. Fait que les jeunes milléniaux n'ont pas le même rapport avec l'automobile que les jeunes des générations précédentes. Fait que là, eux autres, ils disent qu'ils s'adaptent, maintenant, ils offrent plein de gadgets dans leurs autos pour pouvoir les attirer. Puis là, pour appuyer ça, ils disent que le pourcentage des jeunes qui ont un permis de conduire a diminué depuis 1990. Moi, quand j'ai lu ça, bon, disons que j'ai l'esprit critique assez développé, donc je me suis dit qu'on va aller regarder les données, tu sais, parce qu'il y a des données là-dessus, là, la Société de l'assurance automobile en fournit, puis on a des données démographiques. Et j'ai de fait constaté que entre 1990 puis maintenant, le pourcentage de jeunes de 16 à 24 ans qui ont un permis de conduire est passé de 65 à 55. Donc, ah, tiens, c'est vrai. Sauf que quand on regarde les données année après année, on s'aperçoit que toute cette baisse-là a eu lieu dans les années 90. Puis dans ce temps-là, à la fin des années 90, des milléniaux, il n'y en avait pas beaucoup, la plupart étaient même pas nés. Bien, il y en a un grand nombre qui n'étaient pas nés, mais ils n'avaient pas l'âge d'avoir un permis de conduire. Donc, ça s'est fait bien avant qu'ils arrivent. Et depuis ce temps-là, c'est resté à 55. il y a eu une petite pointe vers 2010 parce qu'ils ont changé les règlements pour obtenir un permis de conduire. Il fallait avoir un permis temporaire pendant un an. Donc, il y en a qui l'ont passé avant. C'est ce qu'on pense, là. Mais même là, il est passé de 55 à 58. Il est rebaissé à 55. Bref, il est à 55% de façon assez stable depuis à peu près le début des années 2000. Donc, ça n'a aucun rapport avec les médias sociaux, ça n'a aucun rapport avec tout ça, là. Tu sais, puis c'est stable, là. C'est pas vrai que leur taux baisse, bref, de façon récente. Ce que vous observez d'ailleurs là-dessus, c'est que souvent, même le journaliste, dans le même article, va mélanger des stats qui ne vont pas ensemble ou des périodes d'évaluation qui ne vont pas ensemble, ce qui fait que ça fausse un peu les données aussi, là. Bien, c'est ça. C'est que quand tu pars d'un point en 1990, tu vas à un autre point en 2016-2017, bien là, tu ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. C'est pour ça que moi, je l'ai regardé. Puis à un moment donné, je pensais que c'était juste, il parlait du nombre. Je me disais, c'est peut-être parce qu'il y a moins de jeunes. Non, c'est pas le gars, c'était pas ça. C'est vraiment, ça a baissé. Mais de 65 à 55, c'est pas l'enfer, d'une part. Puis ensuite, comme je dis, c'est dans les années 90. Ça fait que ça n'a rien à voir avec les facteurs qu'ils disent. Et si ça a baissé, c'est, par hasard, dans ces années-là, le taux de fréquentation scolaire a augmenté beaucoup. Moi, je pense à plus rapport, tu sais. C'est-à-dire, quand tu vas à l'école, tu t'achètes moins de char. En plus de ça, c'est souvent en région qu'un jeune va surtout vouloir un automobile jeune, mais souvent, il va déménager dans un grand centre pour aller au cégep ou surtout à l'université. Tu sais. Mais c'est ça, c'est juste pour dire, on dirait qu'il y a des journalistes qui ont de la misère, j'ai pris cet exemple-là pour ça, qui ont de la misère à un moment donné à savoir que quelqu'un est là pour vendre quelque chose. Tu sais, quelqu'un qui a le salon de l'auto, ben il est pas neutre. Il cherche des affaires pour montrer qu'il s'adapte, et ainsi de suite. Puis je dis pas qu'il fait de façon malicieuse, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il pense que c'est vrai. Mais c'est juste moi, quand j'entends des choses comme ça, j'aime ça vérifier. Parce que vous écrivez aussi, puis ça, je vais lire juste un petit bout, là, vous dites il y a un manque de fiabilité trop fréquent des analyses qu'on lit dans les journaux et des lacunes des journalistes dans la compréhension des données qu'ils utilisent. Ouais. C'est vrai, les statistiques ne mentent pas, mais il arrive fréquemment qu'on les interprète mal. Ça, vous l'observez beaucoup. Ah, ben oui, mais c'est classique, là. Je ne reviendrai pas sur le livre de M. Auger qui vient de sortir, où lui-même, il veut déboulonner des mythes puis en créer d'autres, mais là, je n'embarquerai pas là-dedans, mais où vraiment, il y a des données qui ont mal interprété. Mais ça arrive, c'est très, très fréquent. Ça me donne un exemple, je l'ai pris parce qu'il était un peu anodin, là, les permis de conduire, là. Mais en même temps, tu sais, ça va accrocher des affaires comme les milléniaux, on va parler des générations des baby-boomers. Chaque fois que je lis là-dessus, moi, là... Mon esprit critique s'allume et je vais vérifier. Et autre mythe qui est un peu dans la même veine, parce qu'on parle d'interpréter ou de vouloir passer un message qu'on a bien envie de passer, le travail autonome et l'entrepreneuriat est en hausse, surtout du côté des jeunes. Ça, on dit ça, c'est clair et net. J'ai entendu ça à RDI Économie à quelques reprises. Là, puis c'est correct de développer l'entrepreneuriat des jeunes. J'ai rien contre ça. Sauf que quand on dit que le travail autonome est en hausse, c'était vrai entre 1976 et 1998, il est passé de 10 à 15 % en gros. Mais depuis ce temps-là, il a baissé. La donnée la plus récente, c'est 13 % 13,2 en 2017, pour être bien précis, là. Ouais. Tu sais, donc, c'est pas vrai que c'est en hausse. Puis ensuite, quand on parle des jeunes, les données pour les jeunes, il faut regarder dans les données du recensement, les données de 2016 nous disent que les 15-19, c'est 1,5 % de ceux qui sont en emploi, qui sont dans un travail autonome. 1,5 %. Ouais. Chez les 20-24, c'est 3 %. Mais si la moyenne est 12-13 et chez les 75 ans et plus, c'est 45 %. Donc, ouais. Le travail autonome augmente avec l'âge. C'est pas vrai que c'est les jeunes que ça se manifeste le plus. Puis c'est normal. Prenez un avocat, par exemple, qui a passé son barreau. Ben, en général, il va être salarié dans une étude. Quand il va faire une clientèle, il va peut-être soit devenir associé, soit partir à son compte. Mais en partant, il va se développer une clientèle. Puis d'ailleurs, si on regarde les données chez les avocats, ben quand ils sont jeunes, c'est en bas de 10 % de travailleurs autonomes, puis quand ils ont 65 ans et plus, c'est le trois quarts qui sont travailleurs autonomes. Sur le travail autonome, c'est que le fait que les plus âgés sont beaucoup plus travailleurs autonomes, c'est un double phénomène. Comme je viens d'expliquer, c'est en vieillissant, tu as plus de chances de l'être. Mais il y a aussi le fait que comme tu peux déterminer tes heures de travail, tu peux continuer à travailler. Comme par exemple, un exploitant agricole, je veux dire, ils travaillent très, très vieux, ces gens-là sont à leur compte. Un avocat qui peut décider de se garder juste quelques clients ou ainsi de suite, donc ils vont garder, tandis qu'un salarié, il faut que tu fasses tes heures, tu sais. Fait que c'est un double phénomène, tu sais, puis c'est ça, là. Il y a une grosse mythique autour du travail autonome, puis dans le fond, c'est très, très varié, tu sais, là. Où sont les plus nombreux en pourcentage, c'est dans la santé, un dentiste, c'est quasiment tous des travailleurs autonomes, là. Puis il y a au moins la moitié des médecins, mais eux autres, ils ont souvent une paye double. Ils sont salariés à des places quand ils travaillent pour un hôpital, puis ils vont être travailleurs autonomes quand ils sont en clinique. Mais, tu sais, donc dans la santé, ils sont beaucoup, mais chez les femmes, comme par exemple, où il y en a le plus, c'est des éducatrices de services de garde et des coiffeuses. On voit là qu'on est dans un univers, là, puis comme je disais chez les hommes, un exploitant agricole puis un médecin, c'est pas pareil, là. Donc c'est ça, quand on parle des travailleurs autonomes, dans le fond, on parle d'un paquet de réalités différentes. Jean-Claude Cloutier, tu as le goût de parler. Ben, c'est intéressant. Vous voyez le jeu que j'ai joué avec, là. J'ai dit, garde, prenez 3 ou 4 mythes que vous avez envie de déboulonner. Laissez-vous aller, gâtez-vous. C'est ça que ça donne. Donc, Jean-Claude. Ben, il y a plusieurs choses intéressantes à dire, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a la vivante illustration de ce qu'il préconise, M. Jodoin, dans le sens qu'il faut aller au-delà de qu'est-ce des vérités et des vérités reconnues, si on peut dire, des légendes urbaines. Tu sais, à un moment donné, il faut aller questionner. Moi-même, je dois dire, je me suis rendu compte de ça souvent, que quand tu vas creuser un petit peu une vérité qui semble reconnu par tout le monde. Tu te rends compte, ça repose, c'est pas grand-chose. Puis des fois, c'est même le contraire qui est la vérité. Donc, je trouve ça intéressant. Puis on voit que c'est effectivement, comme tu l'as mentionné, d'entrée de jeu, c'est un spécialiste du marché du travail, parce qu'on voit qu'il y a une connaissance assez fine de comment fonctionne ce marché-là. Effectivement, déboulonner, là, il a pas étiré beaucoup, mais on a discuté avant et après. Il revenait encore sur notamment le livre de Michel Sauget, et on revenait là-dessus sur le fait que le risque de répéter des choses comme ça qu'on prend pour acquises, ben ça les cristallise dans l'esprit du public. Puis pourtant, quand on prend la peine, juste prendre la peine un peu d'évaluer ou de vérifier, on se rend compte à quel point c'est pas solide. Puis nous, on le fait ici quand même de temps en temps à l'émission, de démontrer des choses qui étaient plus ou moins solides. Ben, en tout cas, c'est un message, on peut déjà anticiper sur le mot de la fin, c'est un message à laisser aux auditeurs, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qui est dit sur les ondes ou dans les journaux. Il faut aller creuser un peu. Puis peut-être un autre aspect qui me mentionne, c'est plus technique, là, mais j'ai senti que le chapeau me faisait quand il disait, dans le fond, c'est en vieillissant que tu deviens travailleur autonome. C'est pas en commençant ta carrière. Ouais. Puis j'en suis la vivante illustration. Moi, je suis un travailleur autonome à temps très partiel, là. Je prends des petits contrats de temps à autre. Mais c'est vrai que quand tu commences dans la vie, tu as le goût d'avoir, comme disait Yvon Deschamps, une bonne job et un bon boss. Ouais. Puis après ça, ben, si ça va bien, tu peux te permettre un peu plus de liberté. Ben aussi, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans l'émission où on parlait d'entrepreneuriat. Je me souviens très bien où on disait que plus on gagnait en expérience, on savait qu'on avait le savoir, la capacité pour pouvoir être travailleur autonome, ce qui n'était pas le cas quand tu commences ta carrière. Donc, ça, on se rejoint là-dessus. Là. On va y aller, si tu veux bien, avec la deuxième partie du déboulonnage de Mario Jodoin. Cette fois, vous allez voir, on s'amuse. Encore là, on aura sans doute des commentaires dès le retour dans quelques instants. Donc, on écoute ça. Il y aurait, puis là, si on dit ça, c'est épouvantable, il y aurait 53% d'analphabètes au Québec. Aïe, aïe. Ben, vous avez jamais entendu ça, que la moitié de la population au Québec... Oui, j'ai déjà entendu, puis à chaque fois, je fais « Ah bon, tiens ». Ben, c'est ça, on le prend pour acquis, puis maintenant, c'est rendu connu, les gens l'utilisent pour justifier toutes sortes d'affaires tout croche. J'en ai lu qui disaient que mais c'est pour ça qu'on vote pour les libéraux. Bon, maintenant, ça va être pour la CAQ. Bon, mais bon, ça n'a aucun rapport. Hein. Non, dans le fond, c'est qu'il faut savoir d'où vient cette donnée-là. Cette donnée-là vient d'une enquête qui s'appelle le Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Puis, dans le fond, quand on lit la méthodologie, c'est plate lire ça, mais des fois, pour comprendre les données, il faut savoir ce qu'ils veulent dire. Et puis, eux autres, ils disent qu'ils ont conçu l'étude pour qu'il y ait à peu près la moitié des gens qui aient moins que 3 comme résultat, puis la moitié qui aient 3 et plus. Et le fameux 53%, c'est justement ceux qui ont moins que 3. Et dans le fond, 53%, c'est à peu près ce qui était visé par l'étude. À peu près la moitié, ben oui. Ben oui, donc ça ne prouve rien. Parce que d'ailleurs, ils disent dedans, ça n'a pas rapport avec le fait de pouvoir se débrouiller dans la vie courante ou des critères de ce type-là qu'on pourrait associer à l'analphabétisme fonctionnel. C'est tout simplement, ils l'ont divisé pour voir comment ça se répartissait selon les pays, selon les régions, selon l'âge, selon le niveau de scolarité, ainsi de suite. Puis d'ailleurs, Pierre Fortin a écrit là-dessus aussi. Puis, dans le même sens que moi, c'est pas pire. Oui. Puis, il a montré que, dans le fond, c'est surtout les gens plus âgés, donc les 45-64 ans, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est les 16-64 qui ont été analysés. Donc, c'est les 45-64, eux autres, c'est eux autres qui ont les résultats les plus faibles. Eux autres, c'est seulement 35% qui ont au-dessus de 3. Tandis que chez les plus jeunes, c'est plus que ça. Puis, d'ailleurs, ça rejoint aussi un commentaire de Paul Bélanger, qui est un professeur du département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM. Il dit que, dans le fond, il s'agit davantage d'une forme de désapprentissage que d'analphabétisme. C'est que les gens n'utilisent pas, lisent pas beaucoup. Ce qui fait qu'ils perdent un peu certaines des compétences là-dedans quand ils n'utilisent pas, donc quand ils n'en ont pas besoin, entre guillemets, dans leur vie courante. Fait qu'on ne peut pas parler d'analphabète fonctionnel. D'ailleurs, parmi ceux qui ont des résultats en bas de 3, le 2/3 de ceux-là, ils ont eu 2. Donc, ils ne sont pas si loin que ça, là, du fameux 3. Donc, c'est ça, on exagère. On peut déplorer que les gens n'aient pas plus de capacité de ce côté-là. C'est correct. Puis, il faut agir de ce côté-là, c'est sûr. Mais à un moment donné, on n'a pas à s'auto-flageller et à exagérer un problème. Parce que sinon, on va passer à côté. Parce que vous soulignez même dans le blog que notamment, on n'a pas les mêmes notes forcément que ce qu'on voit, par exemple, chez les anglophones. Ouais. Qui amène la question, ben, est-ce que le test, ça se peut-tu que le test soit plus difficile en français? C'est pas fou. Ben, ça, c'est une hypothèse qui avait été faite. C'était pour un autre test qui s'appelait le PISA, où j'avais lu un chercheur français qui disait justement que les phrases étaient plus longues en français qu'en anglais. Les tests étaient conçus en anglais, puis ça pouvait prendre plus de temps en français. Bon, c'est difficile à dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans tous ces tests-là, dans les territoires francophones, le Québec a souvent les meilleurs résultats. Comme par exemple, dans le fameux 53%, là, les Français ont un résultat moins bon. Mais est-ce qu'on va dire que tous les Français, c'est des analphabètes fonctionnels? Au contraire, souvent, on dit qu'ils ont un meilleur langage que le nôtre, ainsi de suite. Ben, tu sais, c'est juste pour montrer qu'à un moment donné, il faut faire attention. Puis avec un terme comme analphabète fonctionnel, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je suis un analphabète fonctionnel en physique nucléaire, je vous l'avoue. Mais je n'ai pas besoin dans ma vie courante, fait que c'est pas grave. Comme vous dites aussi là-dedans, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer les résultats. Dans le fond, on essaie de simplifier quelque chose qui mérite une attention quand on l'analyse. Ben, tu sais, tu mets un chiffre précis, là, 53%. Mais voyons donc, là, c'est la personne qui a eu 2, elle aurait fait le lendemain le test, peut-être qu'elle aurait eu 3 et vice-versa. Là. Puis ouais, tous ceux qui utilisent celle-là, eux autres, c'est ceux qui ont toute l'impression d'être dans le 47%. Autre mythe, on est rendu, ça c'en est un aussi, dont on a parlé d'ailleurs à l'émission à quelques reprises, le salaire minimum à 15$, ça là, ça nuirait aux personnes qui l'entend aider et causerait une telle inflation qu'elle annulerait l'amélioration de leur pouvoir d'achat en abaissant celui de tous les autres. Ça, c'est vraiment un discours qu'on entend très souvent à chaque fois qu'on touche au salaire minimum. Ben, le salaire minimum, j'ai tellement de choses à dire, je me suis limité à 2 aspects. Premièrement, l'impact sur l'inflation. C'est ça, justement, comme vous dites, moi j'ai entendu quelqu'un de l'entreprise indépendante, là, de la Fédération des entreprises indépendantes, qui nous disait « Ouais, mais le salaire minimum augmente de 6,7%, mais nos ventes, eux autres, ils n'augmentent pas de 6,7%. » Ben, ils essayent de donner l'impression qu'il faudrait que leur prix augmente de 6,7% pour compenser. C'est tout à fait faux. C'est ça qui est le mythe. C'est pour ça que je l'ai gardé comme mythe. Premièrement, il faut savoir que c'est seulement, dans un document récent du ministère du Travail, on a appris que c'est à peu près 6% des salariés qui sont au salaire minimum. En plus de ça, ils sont plus souvent à temps partiel, ça fait qu'ils travaillent à peu près 4,5% des heures. Et en plus de ça, ils gagnent moins, ce qui fait qu'ils représentent moins de 2% de la masse salariale. Donc là, quand on augmente de 6,7% le salaire minimum, on augmente seulement 2% de la masse salariale. Ce qui ne fait pas une grosse hausse au bout, ça fait, pour le gros calcul, une hausse de 0,12% de la masse salariale. Mais ça fait augmenter aussi celui d'autres. On parle du facteur d'émulation, c'est-à-dire il y a des gens, par exemple, qui gagnent un peu plus que le salaire minimum, il va falloir augmenter. Là. Bon, on peut même doubler, si on veut, ça ferait 0,24%. OK? Et c'est pas la fin de l'histoire, ça, parce que les coûts d'une entreprise, c'est pas juste des salaires. Il y a un loyer, il y a le chauffage, il y a la matière première, il y a un paquet d'autres affaires qu'eux autres n'augmentent pas nécessairement que le salaire minimum. Là, t'sais. C'est pas parce que le salaire minimum augmente de 6,7% que le loyer va augmenter. Fait que si on calcule que c'est seulement 18% des ventes des entreprises qui vont au salaire, ben là, on arrive avec 0,04% l'impact de la hausse du salaire minimum de 6,7%. Donc, l'impact sur l'inflation globale est minime. Elle va être plus grosse en restauration, là. Faut être bien clair. La base, ça serait 0,5% à peu près, la hausse. Parce que là, il y a plus de monde au salaire minimum, puis la masse salariale représente un coût plus élevé que mon 18%, là. Mais quand tu regardes l'effet global, c'est minime. Puis d'ailleurs, on peut voir que les premières données sont sorties de l'Ontario, où eux autres ont augmenté leur salaire minimum de 21% le 1er janvier. Il est passé de 11,75 à 14$. Là, on a dit, oh, ça va être des pertes d'emploi épouvantables. Ben, on a les données des 4 premiers mois de l'enquête sur la population active, puis l'emploi continue à augmenter, mais particulièrement chez les jeunes. Leur taux de chômage est plus bas pour les 4 premiers mois de 2018 qu'il l'était pour les 4 premiers mois de 2017. Il faut faire attention que ces données-là, ils ont une grande variation, mais il n'y a pas de catastrophe là. Au contraire, il est même possible que le fait d'avoir augmenté le salaire minimum, ça allait faire en sorte que ça a attiré plus de jeunes sur le marché du travail. puis qu'il y a certaines difficultés de recrutement qui sont très fortes dans la restauration, entre autres, dans le commerce de détail, dans les endroits, justement, où les salaires sont pas élevés, ben peut-être attirer plus de monde. Là. Je veux pas m'avancer là-dessus, il n'y a pas encore de données précises qui sont sorties, mais on peut se demander comment ça se fait que le taux d'emploi des jeunes a augmenté en Ontario, tandis que le salaire minimum a augmenté de 21%. Puis ça avait été la même affaire aussi en Colombie-Britannique. Il a augmenté de 28% en 2010, puis il a pris des aspects en tout, mais pourtant, l'Institut Fraser disait qu'il se perdrait 50 000 emplois chez les jeunes, tu sais. OK, puis c'était votre deuxième aspect, c'est... Il ne faut pas dépasser un certain seuil du salaire moyen. Oui, oui, ça aussi, on l'entend d'ailleurs. Il ne faut pas le dépasser, ouais. 47%. Oui, ça, c'est la thèse, surtout de Pierre Fortin, qui l'a... tantôt, j'étais d'accord avec lui, mais je suis pas toujours d'accord avec lui. Qui a sorti une étude à un moment donné qui disait au-dessus de 45% du salaire moyen, c'est dangereux, puis au-dessus de 50%, ça commence à être bien, bien grave. D'ailleurs, il a pris des termes très forts à un moment donné en parlant de que ce serait une bombe atomique, là, si jamais le salaire minimum augmentait à 15$. Mais il faut savoir que les études sur lesquelles il suit, parce que c'est la seule fois où le salaire minimum a été au-dessus de 50% au Québec dans l'histoire, c'est dans les années 70. Sauf que dans les années 70, il y avait un phénomène, le baby boom arrivait sur le marché du travail. Donc, il est arrivé une horde de jeunes qui voulaient de l'emploi et il y avait très peu qui quittaient. Je vais vous donner un exemple. On fait souvent le ratio des entrants et des sortants sur le marché du travail. Les entrants, c'est les 15-24, qui ont entre 15 et 24 ans. Les sortants, ceux qui ont entre 55 et 64. Le ratio à l'époque était de 2,6. C'est-à-dire, tu avais deux pour chaque personne qui prenait sa retraite, tu en avais 2,6 qui avaient sur le marché du travail. Selon moi, le salaire minimum aurait été très bas, puis il y aurait eu du chômage pareil chez les jeunes, là. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui rentraient. Tandis que maintenant, c'est le contraire. Le ratio est de 0,76. C'est-à-dire, pour chaque personne qui prend sa retraite, il y en a juste le trois quarts d'une personne qui remplace. Fait que là, maintenant, on dit d'ailleurs, et même le premier ministre l'a dit ces temps-ci, ce qu'on a besoin, c'est pas de créer des emplois, c'est de trouver des travailleurs pour occuper les emplois qu'on a. Donc, c'est sûr que le salaire minimum, il y a des aspects positifs, négatifs, mais ces aspects positifs, c'est-à-dire d'attirer du monde sur le marché du travail, risquent plus de l'emporter. Cela dit, selon moi, il n'y a pas, on peut pas mettre un chiffre comme ça. L'économie, c'est une science sociale. L'être humain n'a pas toujours des comportements rationnels ou identiques d'une période à l'autre ou d'un endroit à l'autre, ce qui fait en sorte que ce qui s'est passé il y a dans les années 70 ne se passe pas nécessairement maintenant. Moi, je dis pas que ça n'aurait aucun impact de le mettre à 15, je vais être bien clair. Il y en aurait peut-être un, on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais rien vécu de ça. Puis encore là, c'est pas parce qu'on l'a vécu, la situation est très différente maintenant. Maintenant, on a besoin de monde sur le marché du travail, comme je disais. Fait qu'est-ce que ça aurait le même impact, on peut en douter. Jean-Claude, allons-y. Plusieurs éléments. Tu veux commencer l'analphabétisme ou le... Oui. Moi, je suis très, très heureux de déboulonnage du mythe de l'analphabétisme parce que, comme tous les Québécois, sans doute, ça me traumatisait. Mais je revenais pas à comprendre, à croire que c'était vrai qu'il y avait 53% des... Puis j'ai encore entendu dans un colloque hier, même à Montréal, par des gens savants, des économistes, entre autres. Tout le monde prend ça pour acquis qu'il y a la moitié des Québécois sont analphabètes fonctionnants. On sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ça demeure inquiétant. C'est des mots inquiétants. Alors que lui, ce qu'il nous dit, moi, je trouve ça absolument extraordinaire, c'est que le test a été fait pour séparer la population en deux, finalement. Ouais. Il y a ceux qui ont des capacités de 1, 2, 3, puis ceux qui ont 4 et 5. Fait que dès le départ, on avait défini qu'il y en a, ça tomberait à moitié. Ça fait que ça, c'est une preuve patente que ceux qui interprètent les tests, les journalistes, en l'occurrence, ils font pas leur job, qui aurait dû au minimum aller voir de quoi qu'on parlait. C'est puis l'expliquer comme fois aux populations. Oui, mais je peux dire aussi qu'on a même l'habitude de plus en plus dans les milieux d'information, comme ça va très vite, le personnel est réduit, on fait tout et rien en même temps, là, je veux dire, c'est n'importe quoi. Si bien que le 53%, là, quand il arrive sur ta table de travail, tu le prends, tu le dis en nombre, puis après ça, tu passes au suivant. Ça fait une belle manchette, faut dire. Ça fait une belle, très belle manchette, c'est punché, ça fait peur, puis après ça, tu passes à une autre nouvelle. C'est dommage, mais c'est ce qui démontre, c'est que ça vaut la peine de s'arrêter. Il faut prendre le temps de s'arrêter et d'évaluer les chiffres qu'on a devant nous, ce qui est de moins en moins vrai. Là. En tout cas, je note que tu défends ton ancienne confrérie de journaliste. Je ne les défends pas, je trouve ça déplorable. J'aimerais mieux qu'on en engage. Tu aimerais qu'il y ait plus de ressources, dans le fond, pour faire un travail de meilleure qualité. Bien entendu. De toute façon, j'ai combien de mes collègues, ex-collègues journalistes qui ont quitté la profession parce qu'ils disent on n'a pas le temps de faire le travail qu'on aime faire, c'est-à-dire de l'analyse des données, des informations, les digérer avant d'aller en onde. Là, tu tu digères pas, là, tu craches. Ça permettrait, entre autres, l'autre élément que M. Jourdain a souligné, celle du salaire minimum. Dans le fond, ce qu'il se disait, c'est dans ce cas-là, on est à la merci un peu des idées un peu préconçues que véhiculent les milieux d'affaires, les, ouais. les associations patronales dans ce cas-là. Et encore là, ça prendrait soit des journalistes, soit des citoyens avertis pour aller décortiquer ça un peu, puis aller voir, s'informer qu'est-ce que ça veut dire vraiment. C'est quand même extraordinaire quand il dit qu'une hausse de 18 % du salaire minimum, en réalité, c'est peut-être pour une entreprise moyenne, c'est une hausse de moins de 1 % dans ses coûts de revient. Ouais. Fait que c'est, on est loin de crier panique dans ce cas-là. Là, mais encore là, mais le message est très fort. On en a parlé ici à l'émission du salaire minimum. C'est sûr que si on pose la question de manière globale, je suis certain que les gens pensent que, oh oui, j'aurais tendance à croire ça, que si on augmente trop, ça va faire mal. Ben c'est des vérités ben préconçues, préfabriquées, si on peut dire, que tout le monde prend pour acquis. Mais moi, c'est ça que j'aime du message de M. Jourdain. Puis c'est un des messages, j'espère que c'est dégagé un petit peu d'éconophile, c'est que, à un moment donné, il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qu'ils disent à la place publique, parce qu'il y a bien du monde qui parle à travers leur chapeau. Puis il y en a bien surtout qui ont des intérêts particuliers pour véhiculer telle ou telle idée. Tout à fait. On fait une courte pause là-dessus. Au retour, on continue la discussion dans un instant. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro et la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On discute avec le blogueur économique Mario Jourdain. On a beaucoup de plaisir, je dois dire. On se rejoint beaucoup. Peut-être on va écouter tout de suite, si tu le veux bien, la dernière partie où là, il fait des commentaires sur l'économie. Ça va te rejoindre, ça va nous intéresser beaucoup sur l'économie, sur la science économique, sur la façon de l'enseigner, si on veut, hein, qui fort heureusement, et ça, il l'a dit, c'est pas juste du négatif, là, ça évolue fort heureusement. Vous en pensez quoi, vous, des économistes, la science économique, la façon qu'on l'enseigne? C'est beaucoup mieux encore, non? Oui, ben c'est ça. Ben, moi, ça fait longtemps que j'ai fini. Puis moi, je viens de Sciences Po, fait que les maths, ça ne me dérangeait pas trop, je vais vous avouer. Là. Au contraire, c'est pas ça plus facile que ce que j'avais fait au cégep. Mais reste que c'est oui. C'est que c'est très bizarre, surtout quand tu viens de Sciences Po, comme moi, quand je suis arrivé en économie. Puis là, on arrivait, on montrait une science avec des hypothèses qui étaient fausses, puis tu pensais arriver à des conclusions vraies. Les hypothèses fausses, c'est dire comme l'être humain purement rationnel. Oui, bien là, l'être humain devrait, avant de faire chacun des achats, se demander quel est le bien ou le service qu'il peut se procurer qui va y apporter le plus de bien-être. Il n'y a pas un chat qui fait ça dans la vie, hein? J'espère, en tout cas. Puis en plus de ça, on serait sans cesse en concurrence parfaite, l'information devrait circuler parfaitement. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Fait comment peux-tu arriver à des conclusions exact avec ça et surtout les affirmer avec force. Ça ne veut pas dire que c'est tout, qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Là. L'offre et la demande, ça existe pareil. Là. C'est juste que c'est moins mécanique que ce qu'on dit. Une affaire qui me sourit, par contre, c'est que dans les dernières années, ça s'est quand même amélioré beaucoup. Il y a beaucoup de théoriciens. D'ailleurs, il y a un prix Nobel qui justement a montré que les gens ne sont pas si rationnels que ça. Ouais. Daniel Kahneman, qui est un psychologue en passant, qui a gagné le prix Nobel en économie, c'est quelque chose de bien quand même. Il y en a d'autres comme Stiglitz qui a montré que l'information, il a parlé de la symétrie d'information, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a accès à la même information, donc tu peux pas avoir de concurrence parfaite. Il y en a d'autres, ça c'est Herbert Simon qui a parlé de la rationalité limitée, que dans le fond, on fait des approximations, on n'est pas si rationnel que ça. Il y a l'économie comportementale, le dernier lauréat du prix Nobel, d'ailleurs, c'est un dans ce domaine-là. Il y a l'importance des institutions, des institutionnalistes, l'effet des inégalités. Avant, on s'en préoccupait pas du tout. Maintenant, on commence à le regarder. Des gens comme Piketty ont fait un best-seller avec un livre sur ce sujet-là dont avant on parlait à peu près pas. Il y a des concepts comme la capture de la réglementation, où dans le fond, souvent, les entreprises se plaignent qu'ils sont trop réglementées, mais il y en a qui en profitent, au contraire, ils en veulent pour limiter l'accès à des concurrents au marché du travail. Je vais arrêter là, mais c'est juste pour dire que c'est tous des aspects dont on parlait pas il y a 20, 30 ans, puis maintenant, bon, ou très peu, puis maintenant, ben c'est sa place publique, donc au moins dans des débats académiques. Et aussi, finalement, on a beaucoup plus d'études empiriques. Plutôt que d'y aller juste sa théorie, comme on le fait trop souvent avec des modèles d'équilibre général stochastique dynamique, dont personne ne sait comment ça marche ou à peu près, puis tirer des conclusions d'aspects théoriques comme ça. Maintenant, on y va vraiment avec des études sur les faits, en regardant des différences dans la différence. En tout cas, toutes sortes de techniques pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Jean-Claude, toi aussi, un mot de la fin assez intéressant de sa part pour parler de la science économique, des économistes. D'emblée? Je trouve ça équitable. Tantôt, on a critiqué un peu le journaliste. Oui, maintenant, oui. On va critiquer les économistes. Bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec M. Jodoin, là, dans le sens qu'il disait qu'il faut un peu que l'économie, la science économique soit réformée, puis qu'on a, en tout cas, sans mettre de côté complètement les modèles économiques, qui sont encore beaucoup économétriques, les mathématiques appliquées à l'économie, oui. Sans mettre ça de côté carrément, parce que c'est encore beaucoup enseigné dans les universités, il faut quand même rebrancher l'économie. Faudrait ramener Polanyi à surface et dire l'économie doit s'intégrer, doit faire partie de la société. C'est une composante de la société qui est importante. Puis moi, dans mes réflexions, je repense à ça cette semaine, aux dernières émissions, puis à celle d'aujourd'hui, puis ce que je me disais, dans le fond, il faut revenir à l'idée que l'économie, la science économique peut être utile, mais c'est seulement une interprétation de la société ou même de la réalité économique. La réalité économique est plus importante, est plus vaste, est plus complexe, est plus diversifiée, plus nuancée que n'importe quel modèle économique. Tu sais, il rappelait tantôt des choses qu'on apprend en économie 101, ça. C'est toujours des hypothèses, comme le marché fonctionne parfaitement, tout le monde était bien informé, il y a des milliers d'offreurs, des milliers de demandeurs. Ça ne marche jamais dans la vraie vie. Ouais. Par contre, ça, je pense que M. Jodoin le reconnaissait, ça peut quand même être utile pour avoir certaines compréhensions de base. Là. Bien, il le prouve même avec ce qu'il a fait comme démonstration là, au cours de l'émission, là, à savoir que de maîtriser les chiffres, au moins, ça te donne une base solide, mais il y a autre chose dans la vie. Une fois que ça c'est su, il faut savoir interpréter encore. Bien, ça, c'est savoir dire nuancer puis interpréter, puis intégrer surtout d'autres variables. Il y a des variables qui sont très peu... La science économique, elle préconise toujours de très froid, de très rationnel. Des coûts, on va regarder qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte comme bénéfice, puis on va dire, si les bénéfices l'emportent sur les coûts, c'est parfait, on y va. Mais il y a des choses, tu ne peux pas ramener ça. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut l'égalité, par exemple, entre hommes et femmes, là, tu vois, quel prix que tu attaches à ça, là? Ouais. C'est des questions, mettons ça, d'éthique, de morale. Puis Adam Smith est encore à ce niveau-là. On le répète souvent à l'émission, puis on n'est pas les seuls. Adam Smith, c'était d'abord un philosophe de la morale. C'est à partir de là qu'il y a peu qui est parti. Bon, puis on le répétait souvent aussi, puis on n'est pas les seuls, qu'on a un peu perverti sa pensée. On a résumé ça à la main invisible, mais Adam Smith se posait des questions plus larges que ça. Puis aujourd'hui, il faut se poser des questions plus larges que ça. C'est la vie humaine, là. Vas-tu mesurer ça en termes de coûts et de bénéfices? Il y en a qui sont capables. Le bien-être de la population... C'est quelque chose d'aussi important, je pense, que la croissance du PIB. Ben, tout à fait, mais en introduction, quand je parlais des armes à feu, pour moi, c'est une belle illustration de ça. C'est l'exemple suprême. Quand on dit, garde, c'est plus important de faire de l'argent, d'avoir du rendement que la vie humaine, que la vie des enfants dans les écoles. Ça a l'air, j'ai l'air de pousser la note. C'est pas exagéré, c'est la vraie vie, là. C'est ça qui se passe. Comme on a dit à quelques reprises aussi, je pense que la société est un peu intoxiquée à la croissance. C'est-à-dire qu'il y a certains groupes là, qui ont réussi à, mettons, les néolibéraux, vous n'avez pas les nommer, qui ont réussi à faire accepter ça à peu près à tout le monde, en tout cas une bonne partie de la population, que la croissance est le bien absolu. Alors qu'en économique, il y a quand même une loi que tu apprends en économie 101, c'est la loi des rendements décroissants, c'est-à-dire que quand tu es très, très pauvre, ça peut aller relativement... C'est pas facile, là, mais ton revenu peut croître relativement rapidement parce que tu multiplies des zéros ou presque des zéros. Mais quand tu es rendu à 15 000 $ par année de revenus per capita en moyenne dans la population ou à 20 000, là, ça commence à être plus difficile d'avoir des rendements. Puis le bonheur, c'est la même affaire. Tu as dit, quand tu as déjà t'as une Monster House, tu as deux automobiles, trois ou quatre téléviseurs, comment tu auras 25 000 $ de plus comme revenu, là? Ton bonheur n'augmentera pas de X%. Là, il y a comme un plafonnement. Dans n'importe quelle réalité de la vie, il y a une espèce de plafonnement. C'est la loi des rendements décroissants, comme parlent les économistes. C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que quand tu es très pauvre, là, un gain de 100 piastres, ça t'apporte beaucoup de bonheur. Mais quand tu gagnes déjà 200 000 piastres, 100 piastres de plus, ça ne fait aucune différence. Puis tu vas tout le payer en impôts, de toute façon. Ouais. En tout cas, j'espère que M. Bezos t'entend. On fait une petite pause musicale, on revient dans quelques secondes. Just ain't no good. I think that's well understood. You can see it everywhere you look. People just ain't no good. We were married under cherry trees. Under blossom we made our vows. All the blossoms come sailing down through the streets and through the playground. The sun would stream on the sheets, woken by the morning bird. We'd buy the Sunday newspapers and never read a single word. Poursuivons donc la conversation avec... on avait commencé par la bande, la question, la grande question de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut garder des deux saisons d'Econophile? C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Je terminerai le petit volet qu'on avait ouvert tantôt en disant que effectivement, quand j'étudiais la science politique au milieu des années 90, j'étais tenté par l'économie, mais quand je regardais le profil que ça prenait, c'était beaucoup mathématiques. Moi, les mathématiques me font pas peur, mais c'est pas ce qui me passionne. Je me suis dit, ah ben là, t'as pas, je veux pas devenir mathématicien. J'aurais envie de comprendre l'économie, comprendre comment ça se fait, comment on peut intervenir, comment on peut changer les choses. Et ça semblait plus impossible à cette époque-là qu'aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'il y a une évolution. Aujourd'hui, des économistes qu'on appelle hétérodoxes, il n'y en a pas juste trois, il y en a plusieurs. Alors que tu recules de 20 ans, t'étais vraiment une bibitte hors de l'orbite, probablement, si tu parlais d'un discours qui était divergent. Donc, en ce sens-là, au moins, c'est encourageant. C'est encourageant, mais oui. Moi, qui m'intéresse encore beaucoup à l'évolution de la science économique, on le voit là, constamment, de plus en plus d'économistes, même de grande réputation, renommée, là, puis des économistes de grandes universités, qui vont, ils vont constamment dire maintenant, il faut... C'était une erreur de trop mathématiser l'économie. C'est parce qu'il y avait une espèce de... On voulait se comparer aux sciences physiques, aux sciences dures, là, comme c'est l'astronomie, l'astrophysique, des choses comme ça. Oui, c'est une crédibilité. Alors que maintenant, les gens disent qu'on voudrait peut-être plus se comparer à la biologie, c'est-à-dire des sciences plus de systèmes. Tu sais, de plus en plus, on voit le mot... Moi, ça me frappe dans les textes économiques, on voit le mot écosystème. Pas tellement en référence à l'écologie, mais plus en référence au modèle biologique. C'est-à-dire que le vivant, là, c'est très difficile de prédire comment il va se comporter. Parce que le vivant, que ce soit un amibe ou un être humain, il y a bien des facteurs dans lesquels tu peux pas prévoir qu'est-ce qui va se passer demain ou dans un an, c'est, ou dans 100 ans. C'est-à-dire, donc, les économistes reconnaissent maintenant, puis ils tombent plus dans l'interdisciplinarité maintenant. M. Jodoin citait Daniel Kahneman, qui a gagné le prix Nobel d'économie, un psychologue qui a gagné le prix Nobel d'économie en 2004, mais de plus en plus, les économistes aujourd'hui prêchent pour ça, c'est-à-dire emprunter aux sociologues, aux politicologues, aux historiens, aux éthiciens, en fait, à d'autres sortes de sciences pour avoir une approche plus réaliste de la société, finalement, que l'économie... qu'on ne verse pas dans l'économiste, qu'on rattache pas la société à l'économie, mais que ce soit plutôt le contraire. La société nous donne une interprétation de la société, mais seulement une interprétation parmi d'autres. D'autres variables sont importantes. Qu'est-ce que la société veut faire? C'est la culture, en quoi est importante, en quoi elle détermine les comportements. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, ça ressemblait à un bout de conversation que j'avais avec M. Jodoin, parce qu'il se disait, entre autres, tu sais, quand on fait semblant que les gens, les humains sont très raisonnables, il dit, dans le fond, le prix de l'essence aujourd'hui est beaucoup plus cher qu'avant. Or, il s'est souvent plus de VUS que jamais. Pourquoi? Il dit, parce que, puis je vous ramène à Veblen, il dit, le désir ostentatoire semble plus fort que l'économie de l'essence. Ouais. J'ai plus envie de montrer mon VUS, puis que je l'ai parce que l'économie va bien, puis que j'ai de l'argent, que de souffrir de payer cher l'essence. Bien, ça, c'est tout à fait vrai. Puis ça illustre très bien une chose, c'est la dimension psychologique de l'être humain. Puis Kahneman dit la même chose aussi. Il y a de ça de l'heuristique, des façons de raisonner qui sont fautives. Thaler aussi, on en a brièvement parlé. Dernier prix Nobel, on en a parlé l'automne dernier. Ouais. C'est un peu son approche aussi, de dire tu peux pas ramener ça à la pure rationalité. C'est-à-dire, les gens, ils ont toutes de bébites dans la tête. En tout cas, ils ont des sensibilités qui font que, vu de l'extérieur, ça semble un comportement aberrant. Mais dans leur logique à eux, s'ils veulent avoir un gros VUS pour avoir l'impression d'être un mâle alpha. En tout cas, c'est leur bébête à eux. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, j'irai aussi sur une autre avenue parce que s'il y a une chose qu'on peut retenir parce qu'on est dans cette question de la semaine, qu'est-ce qu'on retient de l'économophile, c'est notamment l'économie dans les médias. Parce que quand on parle de la perception des gens, il reste que c'est un fait, l'espace média consacré à l'économie, c'est minime. C'est vraiment minime. Il faut courir, il faut chercher. Puis souvent, ce qu'on trouve va avoir plus tendance à répéter le discours ambiant puis de passer à autre chose que de vraiment essayer de voir l'envers de la médaille. Puis je veux donner un exemple concret là-dessus. C'est pas faute d'avoir essayé. Je me souviens, puis je pense que je te l'avais écrit dans nos échanges courriels. Moi, j'oublierai jamais, 2001, c'est le sommet des Amériques. Je dis, il y a des gens qui viennent ici nous visiter. Je vais voir mon rédacteur en chef à la télé. Je dis, écoute, il y a des gens qui viennent des pays d'ailleurs et il faudrait savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, qui sont-ils, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le plan économique, qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça. Et sa réponse a été, je niaise pas, sa réponse a été, oh, pff, ça intéresse pas le monde. Je lui ai dit, pourquoi tu vas pas au Hato Frontenac pour voir qu'est-ce qu'ils vont manger les chefs d'État? Puis il était sérieux, là. Donc, je suis allé au Château Frontenac voir le chef, M. Soulard, que j'apprécie d'ailleurs. Il m'a montré ce que les chefs d'État allaient manger. On a fait un bon reportage télé. C'était tellement visuel. C'était beau. C'était du bonbon. C'était du bonbon, mais c'était colon. Une fois qu'on a dit ça, ben c'est correct, mais j'aurais aimé ça pouvoir présenter qu'ils étaient. Mais il n'y avait pas d'intérêt pour ça. Et je trouve pas qu'il y ait une croissance, sur le plan médiatique, en tout cas, si forte que ça. Ben, moi, j'étais un peu... Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on pourrait en parler davantage, mais surtout, ça dépend de quoi qu'on parle aussi, parce que je pense dans les médias, moi, ce qui me frappe toujours, on attache beaucoup d'importance à la bourse, alors que la bourse, ouais. Ben, c'est la finance, c'est un aspect de l'économie. Ça ne devrait pas être l'aspect principal, mais on attache beaucoup d'importance, parce que c'est facile à communiquer et dire, hier, Wall Street a baissé 5 % ou on a brûlé 25 milliards en valeur à Wall Street ou à Bay Street, à la bourse de Toronto. Ça, c'est facile à communiquer, mais c'est une partie, dans le fond, un peu superficielle de l'économie. Bon, c'est pas l'économie réelle. Ça dit pas grand-chose. En tout cas, moi, je m'étais pris une note, puis je trouvais que l'image exprimait bien. Si tu me demandes, pour moi, Econophile, c'est quoi? C'est vraiment regarder la lune quand le sage la pointe plutôt que le doigt. Je trouve vraiment que c'est ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment de regarder la lune plutôt que de regarder le doigt, parce que la tendance au doigt est assez forte. En tout cas, quand on m'a envoyé au Château Frontenac, je te jure que c'était le doigt qui intéressait. Okay. Toi, Jean-Claude? Ben, moi, je pense que s'il y avait un message que j'aimerais laisser, puis ça permet peut-être un peu de faire la part des choses. Une des définitions de l'économie que j'ai retenue, moi, c'est la science qui aide, dans le fond, à faire des choix. La science, je devrais dire la discipline ou la méthode de travail qui aide à faire des choix. Puis ça, c'est important de se garder ça. C'est-à-dire que, surtout se rappeler l'autre définition que j'aime bien aussi, c'est la discipline de l'allocation des ressources qui demeurent toujours rares à des besoins qui, eux, sont illimités. Mmh. Fait que, puis on n'aime pas ça faire des choix, on aime ça tout avoir, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu fasses... Puis même au niveau des politiques publiques, ça pose des questions. Est-ce qu'on veut favoriser la croissance ou plutôt, si on veut favoriser le développement durable? Est-ce qu'on veut favoriser l'emploi ou si on veut lutter contre l'inflation? Est-ce qu'on veut favoriser, l'emploi ou la productivité? Tu as toujours des choix. Puis en parlant des questions de libre-échange qui sont très à la mode ces jours-ci, là, on va essayer de ne pas parler de M. Trump. Oh, tu peux, on a encore toi, fais-toi plaisir. Mais parlons de protectionnisme, par exemple, ou de libre-échange, qui est l'envers du protectionnisme. Ben, encore là, tu as des choix à faire. Est-ce que si je suis protectionniste parce que je veux protéger mes travailleurs nationaux, mais si je suis libre-échangiste parce que je veux avantager mes consommateurs? Fait que là, encore là, les politiciens, puis même les individus comme citoyens, ont un choix à faire. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est-tu le travail ou la consommation? Fait que moi, je pense retenir, indépendamment que tu sois de droite ou de gauche, là, parce que les gens de gauche vont plutôt retenir les consommateurs, puis les gens de droite vont plutôt retenir la protection du travail ou de la production, bien, faut que tu te dises, là, t'as des choix à faire. Tu sais, tu peux pas avoir... Difficilement, en tout cas, avoir les deux en même temps, à moins de vraiment de tout contrôler, puis même là. Fait que moi, c'est pas ça le message, moi, que je trouve important. C'est ça que j'ai appris en économie 101, puis ça m'apparaît encore important aujourd'hui. C'est qu'il faut, la science économique devrait nous aider à faire des choix éclairés. Puis ça rejoint un peu M. Jourdouin. Souvent, on est éclairé avec des chandelles plutôt qu'avec des spots. Oui, vraiment. Oh, oui. Moi, message central, je dirais, informez-vous, lisez, doutez, si on l'a dit, effectivement, parce que le message dominant, il est, on l'a montré d'ailleurs, souvent plusieurs semaines, souvent dans l'erreur, oui, mal avisé ou mal intentionné, ou en tout cas avec des intentions qu'on ne dévoile pas toujours. Je trouve que c'est important de s'informer, de douter. Message aussi secondaire, peut-être, la démocratie s'effrite, donc je pense que vous pouvez être des acteurs, vous pouvez, en maîtrisant quelques clés de l'économie. Ça, je trouve ça important parce que, encore là, comme je le disais en introduction, c'est facile de penser que l'économie, c'est trop compliqué. De toute façon, je ne comprendrai rien, donc je vais passer à d'autres choses. Ben, pendant que vous ne regardez pas là, ben, on peut en profiter aussi. Pas toujours, mais on peut en profiter. Donc, pour moi, je trouve ça important de s'informer pour pouvoir après être un acteur et comprendre comment on peut agir. Puis l'autre message, ben, c'est bien sûr de l'économie doit être au service de la société. Ça, pour moi, c'est l'essence même de tout ce qu'on a dit, pour des raisons morales, humaines, planétaires aussi. Ça, on a fait de belles démonstrations en disant... On peut bien faire ce qu'on veut, là, mais la croissance n'arrête jamais, qu'on se pose jamais les bonnes questions. Il semble que tout à fait logiquement, il y a un mur quelque part. Il est peut-être encore loin, mais il y a un mur, il y en a un. Si on le nie, c'est un peu stupide. Donc, le message là-dessus, il est là. C'était notre objectif. Et puis, l'économie, pour moi, ben, ça reste des échanges entre les humains. C'est très, très, très humain, mais tellement humain et pas beaucoup mathématique. Donc, soyons-en conscients. Toi, Jean-Claude, c'était ta dernière émission, n'est-ce pas? C'est ma dernière émission. J'en suis, je suis très, très heureux d'avoir eu cette chance-là de participer avec toi, David, mais toute bonne chose a une fin, disons. Bon, oui, c'est bien. Puis écoute, moi, avant de te lire mon remerciement officiel, je me suis dit, je vais en profiter pour la dernière émission pour dire... Peut-être des petites suggestions de lecture, quand même, parce que l'été s'en vient. Vous avez sans doute envie de lire des choses très, très intéressantes, comme des livres d'économie. Donc, je me suis dit, je vais quand même en lancer quelques-uns, parce que j'en garde des choses intéressantes dans certains cas. Si vous êtes dans le plus académique, moi, j'ai noté, tu vas peut-être en avoir au hasard, si jamais, Jean-Claude, t'as des commentaires. L'imposture néolibérale de Jean-Claude Saint-Onge, ça m'a marqué. C'est vraiment un livre qui m'a marqué, parce que je trouvais qu'il avait une façon de parler du néolibéralisme et de nous dire... Le discours, il est là maintenant. On va reculer dans le temps, se donner de la perspective. Ça m'a beaucoup plu, ce livre-là. Donc, l'imposture néolibérale. Gagner la guerre du climat aussi, ça m'a frappé comme livre de Normand Mousseau parce que on a vraiment, dans le message public global, tendance à dire qu'on est très vert au Québec. On est bien bon. On n'est pas pire. Mais on n'est juste pas pire. Là. Il y a des choses qu'il faut qu'on corrige. Et Mousseau avait le courage de le dire. J'ai bien aimé aussi le livre « La dette du Québec, vérité et mensonge » de Claude Vaillancourt parce qu'encore là, la dette, ça, c'en est un monstre. Facile de dire aux Québécois, on est dans le trou, on est fini, on est sur le bord du gouffre, c'est fait. Hein, pourtant, quand tu te mets à analyser la dette, il y a du positif, il y a du négatif. Il faut prendre ça, il faut faire une analyse sérieuse. Et puis, dans le plus philosophique, moi, je vous dirais « J'accuse l'économie triomphante » d'Albert Jacquard qui est dans l'esprit même de cette émission-là qu'on a présentée. L'économie triomphante est effectivement toute puissante encore à l'heure actuelle, mais il y a des voix discordantes qui sont de plus en plus fortes, et ça, c'est tant mieux. Puis je suis heureux d'avoir lu La Grande Transformation. Je sais que je te l'ai dit que ça m'avait marqué le livre de Polanyi, mais oui, ça va me marquer jusqu'à la fin de mes jours. C'est un livre étonnant parce qu'on est 75 ans plus tard, puis tu te dis, mais mon Dieu, lui, il comprend l'humain, il a compris l'humain. Et c'est fascinant de lire ça plus tard. Et puis, de la richesse des nations, parce qu'on parlait d'Adam Smith. Combien, tout le monde ou à peu près connaît le nom d'Adam Smith. À peu près tout le monde sait qu'il y a une main invisible, mais à peu près personne ne l'a lu. Donc, nous, on l'a lu, puis je vous encourage à lire, parce qu'effectivement, vous allez découvrir un philosophe de l'économie, non pas un mathématicien économique. Et puis, j'aurais jamais lu ça sans avoir l'émission. Ça, c'est le capital au 21e siècle. Oui, Piketty, c'est une brique, je sais pas. C'est quand même 900 pages. Mais même en lisant seulement les 100 premières pages, on a une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il se répète quand même au cours de ces 900 pages, mais c'est effectivement un livre important présentement. Et Piketty est peut-être l'économiste le plus influent là, présentement. Oui, mais c'est ça. Ouais, les 100 premières pages, après ça, il y a des démonstrations, on s'endort un peu en lisant. Puis à la fin, dans les conclusions, quand il ramène, là, encore, il nous met dans le bon chemin. Ça va pour... pas de livre qui devient l'esprit que tu pourrais nommer ça va presque paraître une blague, mais je répéterai que... Parce que c'est beaucoup moins long que Piketty, là, le dernier texte du pape François. Là. Honnêtement, assez là, frappant, ça. Hein? Honnêtement, là, tu laisses tomber, il y a 4-5 paragraphes, là, il va ramener ça à la doctrine de l'Église catholique, là, mais le restant, là, on croirait de lire du David Lemelin, honnêtement. Là. Écoute, Frank puis David, même combat. Oui, donc tu l'as lu au complet. Ben, c'est-à-dire que c'est une critique qui est très virulente, puis moi, ça me réjouit beaucoup de la financiarisation puis de l'économisme ambiant, là, présentement, de la part du pape. Moi, je trouve que c'est une sacrée bonne nouvelle parce qu'il y a quand même du monde qui l'écoute, peut-être pas au Québec, là, mais ailleurs, je pense à l'influence. Puis moi, honnêtement, Jean-Paul II il a gagné sa sainteté en s'attaquant aux communistes. Là, d'avoir un pape qui s'occupe et qui s'intéresse plus aux capitalistes, moi, je trouve ça intéressant. Mm-hmm. C'est seulement 20 pages en passant. Bon, ben, écoute, écoute, je vais sérieusement, je vais le lire, d'une part, puis si en plus il fait le ménage dans sa cour, ça, ça ne sera pas une mauvaise chose non plus, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, semble-t-il. Sur le plan moral, il y a du chemin à faire pas mal aussi. Moi, j'ai un petit mot de la fin qui s'intitule « Merci Jean-Claude ». Alors, merci pour l'offre tout à fait gratuite de me faire profiter de tes lumières, de faire profiter les auditeurs aussi de ton immense savoir, de ta culture, de ton sens de la pédagogie. C'est pas facile parler d'économie, c'est encore moins facile rendre ça intéressant et simple à comprendre. Ça l'est pas toujours, mais ta préparation minutieuse, ta recherche, ta façon de parler des sujets complexes a servi les intérêts composés, j'en suis certain, de notre auditoire. J'ai adoré le défi intellectuel que ça a été de préparer cette émission chaque semaine, facile parce que tu m'envoyais beaucoup de lectures pertinentes qui m'ont fait passer pour très intelligent. Donc, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Merci aussi pour le bénévolat, parce que c'est ça qu'on a fait ici, du bénévolat et volontairement, consciemment, parce que c'est, il faut le dire, à peu près le seul moyen d'occuper des ondes ou des médias pour dire autre chose que ce que le courant dominant veut entendre. Hein, les pauvres, c'est des paresseux, les réfugiés, c'est des voleurs, le libre marché, c'est génial, l'évasion fiscale, c'est des détails. Eh bien oui, il faut choisir la marge pour pouvoir raisonner, parler en se servant de sa raison, du savoir, de la recherche, mais heureusement, de plus en plus, on sent qu'il se passe quelque chose, que de plus en plus de gens ressentent que ça ne peut plus continuer comme ça, comme si c'était normal, logique, que c'est inscrit dans les lois naturelles, on l'a beaucoup critiqué aussi, hein, travaille en dur, ferme ta boîte. Ben non. On a parlé, on a démontré, on a expliqué, on a déboulonné et ça a été sur le plan humain et intellectuel un plaisir extraordinaire. Donc, grâce à toi, Jean-Claude, merci beaucoup. Et merci du fond du cœur. Et j'espère qu'on aura donné le goût à d'autres voix de sortir, de parler, en réfléchissant d'abord, en parlant pour la société, pas juste pour quelques-uns, toujours les mêmes. Tu sais, d'ailleurs, je m'adresse, tu sais, toi, le progressiste de salon, là, qui a une belle et bonne opinion sur tout, là, qu'est-ce que tu fais, là? Enfin, mon petit mot de la fin. Donc, voilà ce qui termine cette deuxième saison d'Éconophile. Merci donc encore à Jean-Claude pour ta précieuse collaboration. Et j'ai été un élève très attentif, alors watch out pour la suite. Merci beaucoup à Eric Dorin pour la mise en onde, pour la bonne humeur aussi. Un plaisir de te côtoyer, Eric. Merci beaucoup. Merci à Isabelle Vaillancourt pour ses brillantes chroniques, nous prouvant chaque fois que l'économie et environnement, santé, développement urbain, ben, ça peut rimer ensemble. Quant à l'émission, ben, c'est la pause estivale. Est-ce que je reviens l'automne? Je ne sais pas encore. Dans quelle formule? Si je reviens, je ne sais pas encore. La pause de l'été va servir à ça. Alors, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter, en réécouter aussi en balado. C'est disponible en tout temps. Ce sont d'excellents cours d'économie qui sortent de la bullshit 101 qu'on vous sert régulièrement. Alors, visitez econophile.net. Je vais continuer d'écrire là-dessus. Merci. Bon été. Si je ne reviens pas, ben, ça a été un plaisir. Si je reviens, ben, à bientôt.